Philomèle et Prunier. Fable numéro 15 des Fables de La Fontaine, livre 3e. Enregistré pour LibriVox.org par J. C. Gouane. Autrefois, Prunier l'hirondelle de sa demeure s'écarta et loin des villes s'emporta dans un bois où chantait la pauvre Philomèle. « Ma sœur, lui dit Prunier, comment vous portez-vous? Voici tantôt 1000 ans que l'on ne vous a vu. Je ne me souviens point que vous soyez venu depuis le temps de Thrace habité parmi nous. Dites-moi, que pensez-vous faire? Ne quitterez-vous point ce séjour solitaire? » Ah, reprit Philomèle, en est-il de plus doux? Prunier lui repartit. Et quoi? Cette musique, pour ne chanter qu'aux animaux, tout au plus à quelques rustiques, le désert est-il fait pour des talents si beaux? Venez faire aux cités éclater leurs merveilles. Aussi bien, en voyant les bois, sans cesse il vous souvient que Théré autrefois, parmi des demeures pareilles, exerça sa fureur sur vos divins appas. Et c'est le souvenir d'un si cruel outrage qui fait, reprit sa sœur, que je ne vous suis pas. En voyant les hommes, hélas, il m'en souvient bien davantage. Fin de la fable 15, Philomèle et Prunier. Cet enregistrement fait partie du domaine public.